You are trouble, Lyric. Poem, would you do? I write that because I'm not. About me, you are cannot be written, even if it even dance. Des troubles de la parole portent la clé qui claquette quelque créativité, violant ces nuages vraiment délateurs à l'intime exotique, par respect hypnotique des puissants sentiments, peut-être architecte oraculaire sur ce service obligatoire que devrait à tout prix, gratuit, accomplir l'être humain. On the lyre of troubled waters, between the move of sky and spume appear the mirror's echo, following cloud inside all shapes from heart. Metallic feel for neutral tongue. Voilà, voilà. Voilà, toi qui arrives. J'arrive aussi entrelaçant la poésie et la musique. Oh oui, c'est toi qui étreins tendrement la chanson, ses zestes de caresse sur le derme du poème. Oh belle âme, si syntonique, si délie, enceinte, nitescente, ne nions pas l'essence du mythe des sens par pure décence incarnée au réel. To say hello to the pixies, so where is my mind? Fortunately, on their wild scream on this sunny cemetery, in fact, you are in my place, where or when you are reading or listening this sentence. C'est écrit parce que je ne suis pas. Coquine a éclipsé le culte du prépuce, ma puce, insérée au cervelet tapageur, trop polisson, trop fripon, très mignon, sinon sibyllin, lové par addiction manuelle, pour que se titille la tentation de n'être qu'à toi. Véritable loi, en fait. Rien ne peut se tracer, crie alors le code parfait sur la partition sensible, blême d'avoir goûté l'air de ton air, survenu au désert intérieur, éminemment viscéral, là où se vulvent les rêves en assouvissement maniaque. The ego galaxy is calling dark matter from purple light. Can you hear the smell around noon with the waste dog and the shell in the ghost through the machine with laughing too much? Danse le mistral, la silhouette d'Aconé, en instantané parfumé d'écarlate. Danse avec moi, magnifique amour, qui nous sommes la règle par toi au sein de notre chance au son. Moisson, danse du présent, et danse cela circule cela à l'infini.